C'est la portion Top 10 des palmarès fou pour la semaine du 18 au 24 septembre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Salut Tania, elle est de retour. Oui. Ton petit séjour hors de nos studios pendant la portion mishmash nous a rendu bien tristes. Ah, je suis désolée de cet inconvénient. Ouais, c'est ça, tous les mardis. Exactement. Midi, la deuxième heure pour ceux qui nous écoutent en rafale. On vous rappelle notre nouveau format, on va arrêter de le dire très bientôt. C'est la deuxième semaine, faut encore s'habituer. Lundi au jeudi, entre midi et 13h. Et puis en édition week-end, les samedis à partir de midi. Mm-hmm. On est là pour vous accompagner ce midi, encore une fois, avec votre petit repas, là, votre... Je sais pas qu'est-ce que les gens mangent autre que les sandwichs le midi. Salade. Pâte. Oh oui. Ben oui. Du riz. Peut-être. Les restants d'hier soir. Les restants, ouais, je suis d'accord, les petits restants. Les petits légumes. Ah, des crudités. On aime ça, bien les sûr. Crudités. Donc, les portions top 10 de l'émission qui va bien sûr comprendre les positions 10 à 6. En fin d'émission, Tania, tu nous réserves un petit bloc huile de palmarès. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient tout à l'heure? Bien, spécial francophone, en fait, aujourd'hui. Oh. J'ai décidé de faire une huile de palme Only Franco. Et demain, bien. James Franco, tu vas parler des. C'est ça. C'est de l'acteur James Franco. T'as bien raison. Et demain, ou du moins dans la troisième heure, tout dépendant. Quatrième heure. Tu vois, je l'avais dit qu'on n'était pas encore habitué. C'est ça. Vous allez avoir l'huile de palmarès anglophone. Eh bien, qu'on est chanceux. Donc, position numéro 10 pour commencer. En anglophone, il y aura Slates avec la pièce Yellowknife qui descend d'une place. Et du côté francophone, eh bien, on reste stable. On s'en va avec Caterino et Vol plané. Tout de suite dans les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. J'aimerais souvent t'apparaître. Oh, t'es belle, mes manacelles ne supportent que le poids d'un oiseau. Je pourrais m'y faire, ou tu pourrais me faire une place au soleil. Donner un élan, je deviendrai ton vent. Pour te donner un élan, je deviendrai ton vent. Au-dessus de nos têtes, bien au large des cieux, je ne tomberai pas. Nous naviguerons auprès et nous finirons là. Pour un skate, mon monocycle, pour un mot de tête. Chercher tout partout, des bouts, toi. Veux-tu monter sur le toit de la station de ski? Ce qu'il faut pas entendre. On se prononce les pignes ensemble et rien ne changera. Promis. Veux-tu monter sur le toit de la Toyota Camry? Ris pas, c'est pas drôle. On s'aimera sur le toit de tôle. Changera, promis. Change mon mot de passe, mon passe partout, partout où je passe, tu passes en dessous. Chercher tout partout. Changer 4 sous pour une pièce ronde, 3 petits coups pour une blonde. Chercher tout partout, des bouts, toi. Changer de côté, tu lis des fois. Veux-tu monter sur le toit? Changé depuis l'autre fois. Veux-tu monter sur le toit? Veux-tu monter? ensemble, rien ne changera. Promis. Veux-tu monter sur le toit de la Toyota Camry? Pas c'est pas drôle, on s'aimera sur le toit de tôle, rien ne changera, promis. Position numéro 9 qui descend de deux places en anglophone, c'est par Holy Data. Du côté francophone, eh bien, en 9e place, on a retrouvé Sautine de Louis-Philippe Gingras, qui, elle, est descendue de la 6e. Je suis pas capable d'aller si bas que ça. Ah, je sais pas non plus comment il fait. C'est si bas. Comment il fait pour chanter aussi grave? J'en ai aucune idée. Mais bon. Donc, j'étais encore en train de penser à des choses là, qu'on pourrait manger ou boire sur l'heure du midi. Tu sais, les petits bâtonnets sésame, genre. Oui, ouais. C'est ça. Des craquelins. Ouais. Peut-être avec un thé. Des fruits. Des fruits, oui. Un petit peu de yogourt pour aller avec, peut-être. Exact. Un petit peu. Sinon, je sais pas, des morceaux de radis avec un petit... tu sais, là, des fois, il y a des petites formes dedans. Oui. Une petite fleur de radis. Oui, une fleur de radis. C'est vrai, t'as bien raison. Des céleris, c'est mon coup de cœur. Ouais. Moi, j'aime les céleris. Je suis pas capable, les céleris. J'aime pas ça, me pognait, là. Ouais, y a plein de gens qui aiment pas ça. Ouais. Moi, les tomates non plus, j'aime pas ça. Qu'est-ce que je dis? Acide, les tomates. Bref. Ouais. C'est plus ou moins intéressant comme conversation, mais bon. Et hey, quand même. Quand même, bon, prenez-vous un V8. Vous êtes sur l'heure du dîner, on vous accompagne sur l'heure du dîner. C'est là que nous sommes, l'heure du dîner. Voilà. Quoique les gens qui écoutent la fin de semaine sont rendus à 15h quelques. Comment oui. c'est le temps? Mais ils peuvent prendre leur thé. Oui. Avec les petits biscuits grammes. C'est vrai. Hey, c'est vraiment plate comme conversation. Donc, on était rendu pour ce numéro 8. Tiens, du côté anglophone, ce sera The Dears avec Taking It to the Grave qui est stable. Et du côté francophone, eh bien, on descend de 4 positions pour Runaway de Béja Kerr. Prochain bloc, on dira ce qu'on mange pas sur l'heure du dîner, tiens. Ça va peut-être être fun un petit peu. Bonne idée. vous êtes au palmarès, c'est fou en passant. Au 89.1 FM aussi en passant. En passant. On dit ça comme ça. Cela étant dit, le cas échéant. Et Taking It to the Grave, c'est la position numéro 8, stable, troisième palmarès de présence sur l'album Times Infinity. Et avant ça, Ben Jacker avec Runaway, deux chansons qui vont très bien ensemble. Hey, dans le style musical, écoute, le fade était tellement facile à faire. Hey, le gars à technique, là. Malade. Tight. Félicitations. Merci beaucoup. Mathieu, on parlait de dîner. Absolument. De qu'est-ce qu'on ne mangerait pas et boirait pas sur l'heure du dîner. Mais est-ce que tu savais que si on était Québécois, le reste du monde trouve qu'on mange des choses vraiment bizarres? Arrête donc. Oui, comme par exemple, de la tire sur la neige. Il y a des gens qui comprennent pas pourquoi on mange ça ailleurs dans le monde. Je pensais que c'était qui prenait ça pour dîner. Non. Tu sais, c'est ton dessert. Ah. Le hot chicken. Ah, c'est un sandwich. Tu sais, quand tu regardes ça comme ça, c'est un sandwich au poulet mouillé avec une sauce brune qui est un peu louche. Et des petits pois, des pommes de terre en purée. C'est un mélange vraiment bizarre quand vraiment. Tu regardes ça comme ça. Là. C'est weird. La poutine aussi, ça, ah oui. Ça élève des questionnements un poutine, petit peu. La poutine qu'on avait à la Chasse-Galerie jusqu'à récemment. Et là, on pensait qu'il allait installer la friteuse de la Chasse-Galerie parce qu'ils ne peuvent pas le faire en ce moment à cause des. Ils ont pas de hot. Ils ferment la Chasse-Galerie la semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi. Mais finalement, c'est pas pour ça. Ah oui? La Chasse-Galerie va être fermée 3 jours, puis on n'aura même pas de poutine pour récompenser notre sacrifice. Bâtard. C'est vrai. C'est la faute de l'université, apparemment. Tu sais, une autre affaire que tu te demandes, pourquoi on mange ça? Parce que quand tu regardes ça comme ça, c'est un peu weird. Les oreilles de Chris à la cabane à sucre, honnêtement, c'est dégueulasse. C'est des chips de lard frites dans l'huile, puis c'est vraiment dur à mâcher. C'est vrai. Y a-tu vraiment quelqu'un qui enjoy manger ça? Ben, je n'aimais pas ça quand j'étais jeune. Maintenant, j'aime beaucoup ça, tremper dans le sirop d'érable. Sucré salé, à souhait. Yeah. Ouais. OK, peut-être. Les culs de castor, apparemment, ça lève des questions à travers le monde. Mais c'est juste le nom qui est bizarre, parce qu'en tant que tel, c'est une pâtisserie plate. Non? Ouais. C'est bon. J'imagine. Sucré. Écoute, il y en a plein comme ça, là. Tu sais, de la giblotte, là. Ah, ça, c'est dégueulasse. Non. C'est, tu sais, décidément la bouffe molle, liquide. C'est comme un winner au Québec, là, je sais pas. Est-ce que tu connais les ragoûts de plotte? Non. Les boules de viande là, avec de la pâte autour. Là. On en a pas déjà discuté dans le temps des fêtes. Il y a un autre nom pour ça, je me rappelle jamais. Là, mais c'est vrai. Le pâté chinois aussi, apparemment qu'il y a certaines personnes à travers le monde qui se posent la question. Pourquoi? Pourquoi vous trouvez ça bon? Et pourquoi dans cet ordre-là? T'sais? Pourquoi dans cet ordre-là? T'sais? Pour que ça se tienne, Mathieu. Ouais, j'avoue. Quoi que ça se tiendrait, même si les patates étaient dans le fond. Pour vrai. Il n'y a pas de raison pour ça. Ah là, j'ai goût de manger un pâté chinois. Mais moi, je peux te dire aussi ce que j'aimerais pas manger. Ce serait les côtelettes de porc de la cafétéria. Mm-hmm. Les pilons de poulet de la cafétéria. Le pudding aux bananes de la cafétéria. Ouais. L'espresso de la cafétéria. OK. Je pourrais continuer longtemps sur la cafétéria. Oui. Ouais. C'est vrai. Ne plus aller là. On s'en sauve maintenant. Merci, Sodexo. Oui, comme merci. Je dis, merci beaucoup. Merci, Sodexo. Hashtag SoSoDexo. Qu'on l'appelle. C'est vrai. Et j'attends vos appels d'insultes. C'est notre ligne éditoriale. On a le droit de dire ce qu'on veut. Ben oui. On peut commencer ça. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Hein. On s'en permet des choses au Palmarès, c'est fou. Alors, on était rendu aux positions numéro 7 du côté anglophone. C'est Steven Wilson et Permanating qui montent de la 19e. C'était nouveau dans les précédents Palmarès. Et du numéro 7 francophone, eh bien là, on a fait un bond de la 18e à la 7e place. Je parle de Rien comme le froid de Catherine Leduc. Dans les Palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Mm-hmm. Le pudding aux bananes, sérieusement. Oh. Il est pas mauvais au goût, mais c'est la texture. Au citron, un pudding au citron. La couleur. Yeah. Il est-tu au citron? Il est peut-être au citron. Une pudding au citron, c'est tellement... Une pudding? J'ai dit un pudding. OK. J'ai peut-être dit une. À Trois-Rivières, c'est un autobus et une pudding. C'est ça. Luminous moon, swimming after dark. C'était Steven Wilson avec Burnazing qui monte de la 19e à la 7e place. C'était nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, Rien comme le froid de Catherine Leduc. Une chanson qu'on aime beaucoup. Très bon petit bloc, ça. Calme, quand même. Il nous reste seulement les positions 6 à entendre. Et juste après, ça va être le bloc Huile Palmarès avec Tania. Qui nous parle de musique francophone aujourd'hui. Que tu nous en fais entendre. Oui. J'espère que vous allez aimer ça. J'espère aussi. Je te fais confiance, moi. Ah! Ça repose sur tes épaules. Ilala! Ilala! Alors, position numéro 6 anglophone, ce sera Cheap Trick avec Long Time Coming qui monte de la 17e place. C'était nouveau la semaine passée. Mais avant ça, on baisse d'une position pour Fudge avec leur pièce Satan. Ah, mais en même temps, hein, Fudge, c'est juste le nom. C'est du chocolat? Chocolat? Hein? Avec deux U, par contre. Oui. Ha ha ha! C'est des palmarès, c'est fou! Six. Drake. A long time coming. Long time. Very long time. Long time. Cheap Drake. Ah, c'est la position numéro 6. Ça monte de la 17e place. Et c'était nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, eh bien, c'était Satan de Fudge, mais Fudge avec deux U. Oui. Ok, oui. Et on est descendu d'une position, en fait, pour eux. Triste. C'est triste, mais c'est comme ça, hein? Ouais. On peut pas tout avoir. Ben non. Alors, on a déjà, en 45 minutes, réussi à rentrer pas mal nos positions 10 à 6. Ce qui veut dire qu'on a juste assez de temps pour faire ta chronique à toi, Tania. Oh là là. Voici Huile de palmarès. Huile de palmarès, qu'est-ce que c'est déjà, Tania? En fait, c'est un petit peu les découvertes musicales que j'ai fait au courant de la semaine, donc ou au courant de la journée même, ça dépend dépendant vraiment. Dépendant du temps que t'as. Là, exactement. Hein, mais je dirais que ces temps-ci, j'ai vraiment un gros trip d'écouter de la musique francophone, de redécouvrir un petit peu la musique francophone, parce que lorsque j'habitais à Montréal, c'était un petit peu plus difficile de ce côté-là, de pouvoir écouter et enjoyer la musique francophone pendant que je vivais dans le quartier anglophone. Donc, de ce côté-là, ouais, je vous présente le palmarès francophone aujourd'hui. Cool. Et j'ai décidé de commencer avec une fille qui a déjà fait partie de nos palmarès et qui fait parler de plus en plus d'elle, mais on reprend un classique, en fait. OK, c'est pas Diane Tell. Ben non, c'est pas Diane Tell, mais c'est bien une reprise de Diane Tell. Et je trouvais que ça fitait bien avec la situation d'aujourd'hui où les filles veulent justement être égales aux hommes. Mm-hmm. Et la pièce, c'est « Si j'étais... » un homme de Diane Tell, mais là, c'est Béris qui chante. Elle veut que les hommes et les femmes soient tels que tels. C'est pareil, c'est ça. De Diane Tell que tel. Diane Tell que tel. C'est Huile de palmarès dans les palmarès, c'est fou. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc. Sera plus fort que les peines pour les trop mauvais temps. Je t'emmènerai en voyage voir les plus beaux pays du monde, te ferai l'amour sur la plage en savourant chaque seconde. Mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Mais je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. Je t'offrirai de beaux bijoux, des fleurs pour ton appartement. Juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Mais je suis femme et quand on est femme, on n'achète pas ces choses-là. Il faut dire que les temps ont changé. De nos jours, c'est chacun pour soi. Ces histoires d'amour démodé n'arrivent qu'au cinéma. On devient économe. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé un peu plus. Si j'étais un homme, je t'appellerai tous les jours, rien que pour entendre ta voix. Je t'appellerai mon amour, insisterai pour qu'on se voie, et t'inventerai Je suis femme et quand on est femme, ces choses-là ne se font pas. Il faut dire que les temps ont changé. De nos jours, c'est chacun pour soi. Ces histoires d'amour démodé n'arrivent qu'au cinéma. On devient. De peau au dépend ton vertigo, au dépend ton vertigo. J'ai le cœur dans le ventre qui ne tient qu'à te voir. Il me brûle, il me chante. La la la la la la la la la. Si on savait d'avance, si on prenait la chance, on remonterait le temps pour se rencontrer. L'histoire comme les autres, ça ne sert. Comme tout le monde. les autres, c'était Laurence Nerbonne avec Jason Bajada. En fait, j'ai adoré le beat sur cette chanson-là. Et c'est un petit peu pourquoi c'est devenu une de mes pièces favorites cette semaine. Électro un peu, c'est cool. Aussi, c'est Laurence Nerbonne, on la connaît bien ici à C'est fou. Elle aussi fait partie des palmarès. Mmh. Donc, j'étais en terrain connu un petit peu, mais je trouve tellement que sa voix et son style musical ressemblent un petit peu à celui de la bronze. Oui. Et on sait à quel point on aime la bronze. Donc, j'avais pas le choix de vous la présenter. Avant ça, on a entendu Béris avec la reprise de « Si j'étais un homme » de Diane Tell. Et bon, on refait pas un classique de façon merveilleuse comme ça, mais Béris a réussi, en fait. Donc, j'ai adoré cette version-là. Et la dernière que je vous présente, en fait, ça va être une artiste que j'ai découvert. J'avais jamais entendu une de ses chansons. Elle s'appelle Marianne Côté. Et je trouve que sa chanson va très bien avec... l'extériorisation des relations d'aujourd'hui. Hey, c'est-tu bien dit, ça? En fait, juste le titre parle de lui-même. C'est ton corps, même plus que toi. Et si vous êtes en 2017, si vous êtes pas mal... en 2017. Ouais. Non, mais tu sais, si vous êtes en 2017, vous êtes pas mal dans la génération qui l'a. C'est pas mal compliqué de trouver quelqu'un qui reste ou qui reste peut-être pas. Vous avez probablement Tinder sur votre téléphone aussi. Je pense que cette chanson-là peut vous parler un petit peu. Génial, ce sera ça qui va terminer l'émission dans quelques instants. Le temps de vous dire merci d'avoir écouté. On se retrouve pour l'édition Top 5. Toujours du lundi au jeudi entre midi et 13h. Donc demain, on passe en rafale et samedi à partir de midi. Donc dans quelques instants, ça va continuer. Oui. Merci Tania. Merci à toi Mathieu. Les jours du mercredi, restez là pour l'émission VHS. C'est nouveau et ça s'en vient dans quelques instants. Donc voilà. À la prochaine. Oui. Bye. Bye. Voici Marianne Côté. Oui. Bye. Te souviens-tu de la dernière fois quand j'ai pu y déposer mes doigts? J'ai remarqué que ton corps m'aimait un peu plus que toi. Te souviens-tu de ce que je cherche, de ce que je veux, pas juste des fesses? M'appelleras-tu pour de l'amour, parce que sinon c'est sûr je passe mon tour. Ça c'est des rimes faciles, pour se faire aimer c'est un peu plus difficile. Va-t'en pas, reste ici. Quand tu pars, t'oublies qui je suis. Mais je comprends pas ce que tu veux, si c'est moi ou si on se dit adieu. Un au revoir à long terme, ou si je peux te dire enfin que je t'aime. Ça c'est des rimes faciles, pour se faire aimer c'est un peu plus difficile. Je peux t'en écrire à profusion, ça changera rien de toute façon. J'ai pas besoin de stresser, d'angoisser et d'attendre demain. J'en ai assez avec ma vie, te tourne autour des problèmes malsains. Fait que si c'est pas moi, ça va être toi. Rappelle-moi pas demain. Ça c'est des rimes faciles, pour se faire aimer c'est un peu plus difficile. Ça changera rien de toute façon, j'suis un peu tanné de tourner en rond. J'passe mes journées à attendre que tu me textes. Tu passes 2-3 heures juste pour du sexe. J'passe mes journées à attendre que tu me textes. Tu passes 2-3 heures juste pour du sexe. J'passe mes journées à attendre que tu me textes. Tu passes 2-3 heures juste pour du sexe. J'passe mes journées à attendre. juste pour du sexe.